Je rattraperai pas les années qu'on m'a arrêté. On a plus d'appétit, mais ça me ta gueule, poteau, on te l'avait dit. J'étais conscient qu'ils m'aideraient pas, qu'ils m'aimeraient pas. J'étais déjà au jugement qu'ils étaient pas prêts d'affronter le trépas. Chute-moi ces fils de pute, qu'on pète le millésime. Du sommeil à la chute, tu mes filles, j'y résine. Prends ma part, arrêtez le peur à un cousin, je fais tout pour toi. Bats les couilles de la rue, ça, moi, quand t'as de l'argent, tout pour. Tu cries fort, mais tes fils te bat. T'es dans une guerre, t'es dans une guerre, tu fais la guerre à des mecs que tu verras jamais. T'écris des textes, mais on t'écrase. Eh, c'était qui, toi? T'es le poteau du poteau, du pot du mec qui se rappelle pas de ton place. Moi, moi, lui, elle, on est perdu. Et oui, mon Dieu, comme un barbu devant un micro, une mosquée sur la rue, bon Dieu. Les principes sont quelque part, j'en fais signe, et va par se rendre. Cette tadjale fait des passes entre la banqueroute et la catastrophe. T'aimes parler, voir clair dans tout ça, ta gueule, on dit de taper. Au pays des aveugles, l'armée, le bargne est un handicapé. Envie de rapper, la crapulerie, mais personne à la poigne. Elle passe et repasse, les frontières sont croisées, personne à la douane. En l'air, le Boeing a pris feu sans un pilote à bord. Sauver les femmes, les grossistes, les traîtres et les enfants d'abord. N'attends ni lumière, ni messie, ni chevaux ailés. Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde la télé. Alors il lève ses yeux au ciel, mais des bafons. C'est comme chercher la lune dans un lustre et les étoiles dans son plafond. La réussite, c'est personnel. Comme un cancer, mais comment faire si je n'attends rien d'une pluie qui ne tombe pas sur mes frères immigrés de France. Sans en parler ni drapeau, tous mes frères sont des princes, mais les crapauds restent des crapauds. Y'a plus un ange quand l'obélite se transforme en Jack. La peau couleur désert et le cœur foncé comme un manjack. J'approche pour le parrain, mon frère veut m'éventrer. J'ai parlé à Cain, mais c'est trop tard, le couteau est rentré. Construire une famille comme j'ai pu, j'ai pris le magot. Quand je m'entraîne à plus faire de vannes, toi dans ta tête c'est Chicago. Et bienvenue chez les pauvres, socialement impuissants. La vie de rêve a dit son prix qu'on a payé avec du sang. Il est bien tard si t'as de l'espoir pour présumer de nos forces. Si t'as trouvé par où sortir, au pire à mentir à nos gosses. C'est pas l'horizon, la paix c'est loin comme le Cap Vert. D'où je viens, l'inconscience est une arme, le savoir est un calvaire. Il fut un temps, amigo, où tous ces codes parlaient. La rédemption est morte dans le dernier album de Bob Marley. J'ai senti venir la balance dès les premiers flocons. Le soleil se lèvera demain, mais en fait qu'est-ce qu'on sait, bon con. Sert plus à rien de se leurrer, y'a plus aucune pendule à l'heure. Et pas assez d'alcool dans le monde pour que j'arrête de pleurer. Les miracles c'est que dans les films qu'on laisse m'en mettre mes gants. Si j'avais une carte au trésor, j'aurais creusé avec mes dents. C'est noir la grisaille insiste, ça sent les froids sans un roi dans tout le royaume. Sans un prince au parc des principes. J'oublierai bien fort tout ce qu'on est et tout ce qu'on a été. Comptez 1, 2, 3, 4, mais de battre mon cœur s'est arrêté. Sa mère. J'ai grandi dans une cage, me ferai pas freiner par une porte. Supporte personne quand je suis à jeun. C'est qui on est, nous? On voit tout noir, même nos remparts peuvent pas nous voir. À croire que même la mort pourra pas nous boire. Y'a plus de fraternité. Celui qui me pèsera les paniers. Au pire des cas, j'irai le chasser à la maternité. T'as vu un océan, les notes sont faussées. Vers le pardon s'est noyé une soirée d'octobre 61. On a délivré le mal, a pris sa place, voulait faire face. Une passe à bris, tout l'équipage est revenu criblé. J'ai parlé sur nos activités, ou participe, j'avais l'instinct, c'est parti vite. Tu pas censé mourir en captivité. J'aimerais passer du step, mais ça risque d'être physique. J'ai mis mes larmes, ma haine, ma poisse, ma peine, mon cauchemar en musique, petit frère. Sous codéine, souvenir des espoirs déterrés. On craint, mais pas un mot dans l'album de ton rappeur préféré. C'est la compète des shows de la street, on va pas faire mieux là. Qu'est-ce qu'on va faire cela? Tu parles de quoi, gros? Nique ta merde là! Esprit débranché sans clap, notre histoire s'écrit sans femme. C'est triste et malheureux comme tous mes semblables. On met pas le neuf francs en bouteille, frère, on les boit par sang. C'est blanc comme poteau, d'où je viens, ça sent pas le poids d'argent.